je le chante comme ça. Laisse-moi te raconter comment je l'ai rencontré. Autrefois je menais une vie misérable, une vie d'hypocrisie, oh, oh, oh. C'était regrettable. Je croyais être heureuse, oh, ma vie était minable. Et le jour je croisais Jésus, oh, oh, c'était formidable. Il ne m'a ni jugé ni condamné, c'était incroyable. Il m'a tiré de l'amour du péché, oh, oh, oh. Il m'a sauvé, moi qu'on croyait irrécupérable. Laisse-moi te raconter pourquoi je le chante comme ça.